Eh ben voilà, je vous remercie pour ce moment avec nous, Serge et Asia. Et je propose maintenant de laisser la place à Amélia, qui va s'installer juste à côté et qui va nous proposer sa chronique de terrain. Alors, bonjour Amélia. Hello. C'est tourné 22h18. Chronique de terrain. Une proposition radiophonique de Mélia Roger pour le festival Archipel. Hello. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter donc le travail de la carte sonore de l'artiste Sarah Lana. Sarah est une artiste brésilienne vivant entre le Brésil, le Mexique et la France. Sarah fait ses études en mathématiques et ingénierie électrique tout en travaillant dans un laboratoire de musique et technologie au conservatoire. C'est le son qui l'a emmenée en fait, vers les arts visuels et électroniques. La cartographie est un outil très important dans sa pratique, qu'elle serve comme méthode d'investigation ou comme forme finale. Donc le projet dont elle nous parle prend la forme d'une ligne plus ou moins définie où son parcours se dessine par différentes vaches qui se suivent comme dans un troupeau. Ces sons, ils ont été enregistrés en 2021 suite à un projet qui s'appelle Journal sonore du serpent. Et en fait, tout a commencé après mon intérêt par des notes d'un journal de voyage d'un écrivain brésilien qui s'appelle Guimarães Rosa. Et lui, en 1952, il a fait un parcours de 15 jours en suivant une transhumance dans l'état de Minas Gerais, là où je vis et d'où je parle là maintenant. Et pendant ce voyage, il a pris des notes très précises et en même temps avec une rigueur scientifique, mais aussi il écrivait d'une manière très poétique, qui c'est une forte caractéristique de son œuvre en général. Et alors, ces notes, elles sont devenues un matériel très important pour le développement de son œuvre littéraire en général, de Guimarães Rosa. Cet voyage a été très important pour ça. Dans ce journal et aussi dans toute son œuvre, il fait toujours des mentions au son et il a toujours des extraits très importants pour raconter un peu le son autour. Et j'ai décidé alors de parcourir le même trajet qu'il a fait en 52. Pour essayer d'enregistrer tous ces sons et l'univers qu'il racontait. Je suis allée aux mêmes fermes où il a passé, je suis les endroits où il était hébergé. Dans ce premier son, c'est le troisième jour de voyage, on écoute des gardiens des vaches qu'on appelle ici boiadeiro. Ils font un petit trajet entre un champ jusqu'au village. Et pour moi, c'est un son très symbolique de tous ces projets-là parce que ça amène justement la présence de la nature, ça amène beaucoup la présence humaine et aussi la présence des chiens, que c'est très fort ici au Brésil, à Minas Gerais. Qui sont le chien de rue. Et quand on s'approche du village, les chiens commencent à apparaître. Et j'aime bien aussi parce que ça amène des sons de la végétation autour. Ce n'est pas que seulement de l'herbe, mais aussi des branches, des arbres. Et au sertão, cette région, c'est une région des climats très arides. Alors, pour moi, ça sonne toujours quelque chose de croustillant. Et je pense que ça, c'est très, très présent dans ces sons-là. Alors, c'est pour ça aussi. Et en même temps qu'on entend ça, ces sons autour, il y a aussi les adolescents qui sifflent, ils disent le nom de chaque vache. Et aussi, ils essayent d'amener ces vaches d'un chemin, d'un endroit à l'autre. Et j'aime bien aussi, c'était très chouette ce moment de partager de ce moment avec eux. Il y a plusieurs projets avec la cartographie que j'ai commencé en partant avant aux endroits et après j'ai commencé à cartographier. Mais dans ce cas-là, le trajet, les parcours, il était déjà prêt. Mais il était décrit, comme je disais, d'une manière très poétique, pas très directe. Et ça a été écrit 70 ans avant. Alors, les endroits, ils changeaient de nom. Parfois, c'était difficile à rencontrer. Alors, il avait un peu cette sensation de décrypter un message pour essayer d'arriver aux endroits. Et parfois, c'était les sons que, justement, m'amenaient à être sûre que j'étais justement là, dans l'endroit qu'il disait. Alors, je me rappelle de plusieurs moments que j'étais vraiment émouvée parce que je me sentais complètement perdue dans le bois. Et tout d'un coup, j'écoutais quelque chose qu'il écrivait justement de cette manière. Je me disais, mais c'est ici, c'est sûr, c'est ici. C'est... Et après, je prenais un petit chemin et j'ai trouvé une maison qu'il avait déjà décrite aussi, alors qui m'a rassurée aussi de trouver cet endroit. Alors... c'était un endroit que c'était déjà cartographié, un trajet qui existait déjà, mais il fallait le trouver. Et ça n'était pas décrit aucune part. Et c'est le son qui m'amenait à ça. C'est ça, mi-temps, garim, tout garim. Après, alors, je faisais... plusieurs enregistrements dans chaque endroit, soit le matin, l'après-midi ou même le soir. Et après, je faisais une sélection. Alors, pour faire cette sélection, on peut dire que c'est une autre cartographie parce que parfois, j'essayais d'être plus fidèle à cette documentation qu'il avait déjà faite dans son journal de voyage. Et parfois, j'avais envie de faire mon journal de voyage, non? Et aussi de montrer tout ce qui a changé, parce que en ce moment-là, j'ai enregistré aussi beaucoup de la présence humaine avec des électroniques, avec des machines pour l'agriculture. Alors tout ça s'est fait aussi très présente en ce moment, et ça, c'était pas décrit pour lui dans son journal. Alors, cette sélection, j'ai fait aussi en essayant de créer un rythme dans cette carte pour qu'on puisse écouter parfois les oiseaux, parfois les vaches, parfois les gens, parfois d'autres sons qui peuvent sonner un peu bizarre, un peu pas très facilement à reconnaître au début. Et c'est ça. Alors, c'était une création avant et après. Malone. Quand je réécoute, je reviens de suite à chaque endroit. C'est les sons, il a ce pouvoir, non, de nous amener des mémoires et une présence. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas que ce moment-là. Je me rappelle beaucoup de tout ce que se passait avant l'enregistrement, tout ce que se passait après, parce que c'était un voyage très intense pour moi. Alors, tout ça me revient aussi avec ces enregistrements. Et avoir chaque son déjà cartographié, ça m'aide beaucoup, parce que c'est vrai que ma mémoire, ça, je l'ai déjà, cette présence géographique de chaque son, mais quand même, la manière où ces sons sont placés dans cette carte, ça raconte une autre histoire, un autre voyage. Alors, je pense que oui, que cette cartographie, elle conduit d'une manière différente ma cette mémoire que j'ai d'après. Je vous invite vivement à aller écouter la carte sonore de Sarah Lana que l'on trouve sur son site. L'écoute fragmentée de son voyage permet aussi d'explorer différentes temporalités, créant à la fois une forme linéaire et interactive. Merci beaucoup Sarah d'avoir partagé avec nous ce processus de travail où l'écoute a réussi à te guider pour suivre les traces de Guimarães Rosa. Et quant à moi, je vous dis à demain. À demain Mélia.